Le même jour, le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le décret numéro 1270 sur le décernement des médailles commémoratives de construction des centrales hydroélectriques des jeunes héros Baekdusan à 3051-4 commandants et membres de la troupe de choc de la jeunesse et bâtisseurs qui ont participé aux travaux de construction.